Va donc avec ton frère, munis tous les deux de mes signes et ne cessez pas de m'évoquer. Va les tous deux vers Pharaon, car il a transgressé. Tenez-lui des propos conciliants, peut-être qu'il se rappellera et me craindra. Seigneur, nous craignons fort qu'il ne s'en prenne à nous ou qu'il n'abuse, dirent-ils. Ne craignez rien, dit Allah. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez lui dire, nous sommes deux envoyés de ton Seigneur. Laisse donc partir avec nous, les enfants d'Israël. Ne les torture plus. Nous sommes venus vers toi munis d'un signe de ton Seigneur. Que la paix soit sur quiconque suivra la juste direction. Houda. Il nous est révélé que le supplice frappera ceux qui osent démentir les signes d'Allah et qui s'en détournent. Qui est donc votre Seigneur à vous deux, Moïse ? Interrogea Pharaon. Notre Seigneur, répondit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose la forme de sa création, puis l'a conduite vers la vérité. Qu'en est-il alors des générations révolues ? Répliqua Pharaon. Moïse dit, la connaissance de ce qui les concerne est du ressort exclusif de mon Seigneur, consigné dans un livre. Mon Seigneur ne saurait d'ailleurs ni se tromper ni oublier. C'est lui qui vous a fait de la terre un berceau, y a tracé pour vous des chemins, a fait pleuvoir de l'eau du ciel, par laquelle nous faisons pousser des plantes en couple et de toutes les variétés. Mangez-en donc et laissez paître votre bétail. Il y a certainement là des signes pour les esprits sagaces. D'elle, la terre, nous vous avons créée, et vers elle, nous vous ferons retourner. Puis d'elle, nous vous ferons sortir une nouvelle fois. Nous lui fîmes pourtant voir tous nos signes, mais il les traita de mensonges et refusa d'y croire. Il dit, es-tu venu vers nous, Moïse, pour nous chasser de notre terre avec ta magie ? Nous allons donc t'apporter une magie semblable. Fixe-nous un rendez-vous que nous ne manquerons pas, ni nous, ni toi. Que ce soit dans un lieu qui nous convienne à tous deux. Vous avez rendez-vous au jour des festivités, et que les gens soient rassemblés dans la matinée. Pharaon se retira, mobilisa tous ses stratagèmes, et revint. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Moïse leur dit, malheur à vous, ne débitez point de mensonges sur le compte d'Allah, ou alors il vous exterminera par un supplice. Car celui qui débite des mensonges échouera. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Ils disputèrent alors entre eux et tinrent secrète leur délibération. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Ils dirent, ces deux-là ne sont que des magiciens qui, par leur sortilège, veulent vous chasser de votre terre et se réserver votre tradition parfaite. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Mobilisez donc tous vos stratagèmes, serrez les rangs, car aura certes réussi celui qui triomphera. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Oh Moïse, dit-il, j'ai perdu ton bâton, ou veux-tu que nous jetions d'abord ce que nous avons ? قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Il dit, jetez ce que vous avez. Aussitôt, leurs cordes et leurs bâtons lui semblaient rampés par l'effet de leur sorcellerie. فأودس في نفسه خيفة موسى. Il ressentit au fond de lui-même quelque peur, Moïse. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Nous dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui l'aurais supérieur. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Jette ce que tu as dans ta main droite et tu le verras happer tout ce qu'ils ont fait comme artifice. Ce qu'ils viennent de faire comme artifice n'est qu'illusion de magicien. Or, le magicien où qu'il aille ne saurait prospérer. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Les magiciens se jetèrent à terre, prosternés en s'écriant, « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse. »